Quand tu parles de la Corse, comment ça, toi? T'as pas peur? C'est vrai, les mecs, vous allez vous en foutez, vous avez pas de baraque. Combien là, de médias ont fait ce type de débat ces derniers temps? Mais parce que les mecs ont pas d'idée, ils sont comme vous, ils veulent faire du buzz. C'est normal. Moi, je comprends, je me mets à votre place. Mais non, mais c'est vrai, il faut les remettre à leur place. Quoi, les Corses. Un échange d'arguments. Mais oui, c'était très beau. Tu lis très bien. Franchement, oui, tu as vu comme il lit bien, c'est vrai. Beau, hein. Le pire, c'est, mais c'est incroyable. Il je sais pas, il a une diction, il a quelque chose. On sent qu'il y a un acteur. Il fait bien vivre le texte, ouais. C'est très beau. Et toi, ça va. Et toi, en fait, tu fais genre que tu lis pas, mais en fait, t'as un prompteur. T'es comme tous les Marseillais, sauf que tu hurles au lieu de le lire. C'est pareil. D'ailleurs, tu dis que les joueurs marseillais se rappellent pas de toi, Eric. Bah non, c'est pas eux qui se rappellent de toi, c'est les autres. Hein. C'est ceux qui ont la semelle de tes crampons calligraphiés sur la rotule ou sur la joue gauche. Tu vois, ça, c'est les souvenirs. Là, on n'a pas de mal à t'oublier. Après, quand t'as côtoyé, oui, comme de toute façon les mecs. Après, c'est les époques changent et tout ça. Mais ça. Ça c'est les valeurs du foot et ça heureusement en Corse ils les ont parce que voilà il y avait le derby corse et moi ça m'a touché le rêve d'ailleurs le derby corse ça me fait penser à ça. Voilà, c'est ça, c'est la Corse. Hein. C'est bon, on va peut-être pas se faire trop de mal. Oui, bah c'est vrai que c'est ça la Corse, c'est un peu poivre dans le foot. Hein. C'est un peu comme Patrick Fiori, quoi. Ça se vaut, quoi. C'est vrai que quand tu regardes le match, ça ressemblait plus à du Patrick Fiori qu'à je sais pas du Tino Rossi, encore que ça aussi ça se vaut. En fait, tu t'aperçois que la musique corse, quand tu réfléchis bien, c'est un peu comme leur foot, c'est un peu pourri, mais on aime bien quand même. Tu vois, par exemple, toi Gilbert, les chants corse, tu vois, tu te coinces les couilles dans le piano, tu chantes en Corse, hein, c'est la même chose, quoi. Tu vois. Ah oui, non mais tu les as écoutés, Imouvrini. T'as les mecs, ils se tiennent l'oreille. En fait, c'est simple, c'est parce que quand ils chantent, en fait, c'est parce que encore, c'est quand ils voulaient faire parler les mecs, ils leur tiraient l'oreille comme ça. Yeah, yeah, yeah. Donc à la fin, ça fait du chant corse, quoi, tu vois. Donc bref, hein, il leur reste quand même le saucisson. Tu veux en vacances le fameux saucisson d'âne. Hein, puis alors ça, ils ont de quoi faire du saucisson. Hein, des ânes, ils en ont pas mal. Entre Cavalier, Angoula et les mecs des tribunes. Il y a de quoi faire du sauciflard. Moi personnellement, je m'en branle. Je vais pas en vacances là-bas. Donc, mais ça aussi, ça fait partie du truc. Dès qu'on dit quelque chose, genre tu vas en vacances, tout ça. Voilà, ça fait aussi, partie hein. de la violence ordinaire. Oui. Arrêtons avec ces clichés. Mais c'est la passion. Mais c'est la passion. Mais bien sûr. Mais arrêtons avec les clichés. On va être très bien accueillis si on y va. On a failli assister au premier but de Moutou. Alors Moutou, moi j'aime bien parce que le mec il revient de loin, c'est un mec tu vois il a eu des problèmes de drogue et puis il a eu des problèmes de drogue, il s'est fait choper, des fréquentations sulfureuses et le mec s'est dit allez je vais prendre du recul, je vais aller me ressourcer, je vais aller vivre en Corse. C'est vrai quoi là-bas t'es peinard, t'es pas emmerdé par tout ce qui est mafia, trafic illicite, enfin voilà quoi t'es bien quoi, t'es juste à la campagne quoi et ça fait plaisir. C'est ça, le vrai derby, quoi. Le vrai derby sulfureux, c'est. Enfin, c'était pas celui-là, le vrai derby sulfureux du Sud. Hein. C'était quoi? Bah, non, c'était pas celui-là. C'était l'OM. Contre l'Estac. Et moi, je trouve que c'est un peu la honte. C'est-à-dire que le mec, tu te fais battre par un quartier de ta ville. C'est quand même la honte, quoi. Tu vas dire, les mecs. Enfin, je sais pas, merde, quoi. C'est comme si le PSG perdait contre la Porte d'Orléans, Bastoche ou la Garde Ouest, quoi. Tu vois, c'est pas ça, l'Estac. Ah non, c'est 3, pardon. On vient de me dire à l'oreille que c'est l'équipe de 3. Bah, excusez-moi, c'est pas mieux parce que je crois que c'est quand même historique. Enfin, franchement, autant perdre en Coupe de France contre une équipe de Ligue 2, ça peut arriver, mais une équipe de Ligue 1 qui perd en championnat contre une équipe de Ligue 2, c'est peut-être la première fois. Donc voilà, bravo quoi, bravo Marseille. Merci. Daniel, j'ai trouvé Daniel un petit peu dur, encore une fois, qui dit que la cagette c'est un jour en bois, je trouve ça un petit peu dur. La cagette, c'est ça, c'est la cagette. Bon, c'est un peu dur pour lui, même si bon, on s'y attendait. Non, tu préfères pas Malbranque, je comprends. Et c'est vrai que j'ai envie de te dire que dans les autres championnats, il n'y a pas de Malbranque, mais il y a pas mal de Branque, et c'est peut-être que c'est pour ça que la Ligue 1 est au niveau où elle est. J'ai trouvé que Gilbert était assez mauvais goût. J'ai trouvé que ça te ressemble pas. Bah, quand t'as parlé de Ribéry, t'as pas arrêté de dire ouais, il a été éjecté de l'école, ensuite il a été éjecté du centre de formation, mais en attendant, il a été éjecté du Nerdouze. Enfin, tu vois, c'était pas très bon. Non, j'étais jeune. Oui, si, il a été éjecté du Nerdouze. Ce révisionnisme. Non, mais c'est pas très bien. Et je veux dire, t'as pas été tout seul. Parce que alors dans le genre mauvais goût, est-ce qu'on peut écouter ce qu'a dit Jeff là-dessus? Ces sorties de route comportementales que vous connaissez tous. Voilà quoi. Alors les sorties de route. Et bravo. Alors, les sorties de route sur Ribéry. Bravo Jean-François Pérez. Excusez-moi, moi je ne m'inscris pas là-dedans. Je trouve que c'était de mauvais goût. Et voilà. Donc je pense que notre ami Polo est d'accord avec moi. Il trouve ça scandaleux. C'est dégueulasse. Il dit en Ligue 1, personne n'y arrive. Mais c'est pour ça qu'il est en Bundesliga. Voilà, c'est un con. Et N'empêche. Il fait mieux que le vrai. 3. Trois. Alors tout à l'heure on a parlé de trois, je voulais revenir sur trois. C'est quand même admirable, les mecs, ils ont été sauvés par un vieux briscard, Nivek à 35 ans quand même, trop court déjà. C'est beau, ça veut dire qu'on leur donne, ils donnent leur chance à des vieux. Il y a Marcos qui a 33 ans, il y a Brechet qui a 33 ans, il y a aussi des jeunes. Leur plus jeune espoir en attaque, il a 22 ans, il s'appelle les Vieillots. Ça s'appelle Frédéric Vieillot. Donc quelque part il y a une espèce de continuité. On a appris que M. Villa avait un cuistot à domicile, donc maintenant il fait attention, hein, il mange plus de burgers, voilà, coq au vin, magret de canard à l'armagnac, baba au rhum, crêpe au grand marnier. Enfin tu vois, il va faire vraiment attention. Donc et puis Marseille. Alors d'abord Marseille, je voulais demander d'abord un truc à Daniel. Marseille a été dépassé par Paris Saint-Germain. Est-ce que tu penses, Daniel, que Marseille peut repasser devant le PSG? Merci Daniel pour ton analyse de la situation. Génial. Alors j'ai remarqué un truc qui m'a fait quand même marrer, c'est que Marseille, ils ont quand même pas d'effectif. Et je peux finir là-dessus. Hein. Ils ont pas d'effectif et ils disent qu'ils vont peut-être contre le Paris Saint-Germain, ils veulent mettre les coiffeurs. Moi j'ai envie de dire, s'ils ont des coiffeurs, Marseille, il faudrait qu'ils les mettent sur Jordan Ayew surtout, avant de les mettre en Coupe de la Ligue. C'est la plus grosse urgence. Merci, à tout à l'heure. Excusez-moi, je suis déjà étonné qu'ils se mettent pas en siège du pilote, surtout parce que qu'ils se laissent piloter par quelqu'un. Mourinho, je trouve ça hallucinant, moi personnellement. Quelle preuve d'humilité incroyable. John Terry, alors je trouve que t'es un petit peu dur avec John Terry, vous êtes un petit peu dur avec John Terry, parce que franchement, sous prétexte qu'il se bagarre dans les boîtes de nuit, qu'il est raciste et qu'il se tape la meuf de ses potes, c'est un salopard. Je trouve que c'est quand même moyen, vous voyez, c'est quand même pas, il a pas non plus zappé une conf de presse, ni oublié de parler à un journaliste, quoi, tu vois, c'est quand même un mec bien. Non mais c'est vrai, faut remettre les choses dans leur contexte, quoi, vous voyez. Non, s'il a pas fait chute, un mec de l'équipe, quoi, c'est un mec bien, quoi, voilà. Il mérite le respect. Le PSG, je voulais revenir sur le PSG parce que finalement, les gens qui écoutent, hein, ils aiment bien vos trucs, mais c'est quand même des Français, hein, et ils aiment le foot, ils aiment la France, ils aiment le PSG. Le PSG qui prend la tête du championnat, et j'ai envie de dire enfin, parce que le PSG, depuis l'intersaison, il prend la tête de tout le monde, il prend la tête des journalistes, il prend la tête des adversaires, il prend la tête des supporters, il prend la tête de tout sauf du championnat. Donc il était un petit peu temps qu'ils prennent la tête, hein. N'empêche que le PSG, et c'est tout à leur honneur, parce qu'ils ont beaucoup de blessés. Hein, et puis ils peuvent pas récupérer les mecs de la CFA, parce que la CFA du PSG en ce moment, Daniel, elle est quand même à la ramasse, hein, t'as vu, encore une défaite contre la Lazio. Donc c'est quand même pas terrible, hein. Je crois qu'ils ont pris combien, 3-2, hein, la CFA du PSG contre la Lazio, c'était quoi, Milan. Oui, pardon, oui, excusez-moi. Oui, j'ai oublié de... Donc ouais, faut pas même pas récupérer des joueurs dans notre CFA, il y a personne de bon. Hein, on se fait chier. Avant on avait des Baybecs, on s'est dit bon, on va changer de centre de formation, on va aller à Milan, ils sont aussi nuls. Alors si pour avoir Pancrate, c'est pas la peine, hein. On pourrait faire un effort quand même. Bon, et puis les joueurs du PSG sont critiqués parce que d'après Daniel, ils donnent pas assez, d'après les sports, ils donnent pas assez. Les mecs ils donnent 75%, les mecs, c'est déjà pas mal quand même. Alors forcément les mecs à la fin, leur salaire il reste 25%. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ben ils jouent à 25%. Voilà, à un moment donné c'est normal, quoi. Les mecs, on leur prend tout leur pognon, alors ils donnent pas tout. Voilà, faut un moment respecter. Saint-Étienne, on parle pas beaucoup de Saint-Étienne, quand même un club mythique, hein, qui a eu des belles années. Et le problème, c'est qu'on sait pas trop leur vrai niveau à Saint-Étienne. C'est vrai, Gilbert, c'est pas trop quoi en dire. On attend toujours la grande équipe. On se dit, le retour au premier plan des Verts. On se dit, ça va revenir. Mais on est loin de la grande époque des Verts, de l'époque de Johnny Rep. Rep en anglais, ça veut dire quoi, Gilbert? Rape? Violet. Voilà. Bah, ils ont pas ça. Mais ils ont Brandao. C'est déjà pas mal. C'est un bon début. Sous réserve. Prends les deux, celle-là. Ah, elle était tirée par les cheveux, celle-là. Chris Mavinga. En plus, tu me mets là-dedans, sans foi. Quoi? En plus, tu me mets là-dedans. Je te mets là-dedans. Comme ça, c'est enregistré, hein. Oui. Chris Mavinga, qui a joué avec les CFA de Rennes, hein. Chris Mavinga, qui avait été, il faisait partie de la bande de Zozo, qui s'était fait choper en boîte de nuit, qui était sorti. Donc, et à la 7e minute, l'arbitre lui a mis un carton rouge, lui a demandé de sortir. Lui, il était vénère. Il dit, là, les gars, faudrait savoir, les gars, il dit de sortir. Alors, la fédé, il me dit de pas sortir. Et l'arbitre, il me dit de sortir. Les mecs, à un moment donné, c'est chelou, faut se mettre d'accord. Ça fait mal à la tête, votre truc. Maintenant, il va falloir son bep pour jouer au foot. Ça se fait pas. Et moi, je comprends le pauvre Chris Mavinga, parce qu'à un moment donné, bon. Et puis, Roland Courbis, je voudrais faire un petit salut à Roland Courbis, notre coach préféré, qui part à l'USM Alger. Et on lui souhaite tous, évidemment, bonne chance. Et on espère que les 3 mois qu'il va passer là-bas, avant de prendre son chèque de départ au mois de janvier, de revenir sur RMC, se passe très bien. Alors, bonne chance à toi, Roland. Passe trois bons mois, au moins trois. Ça serait déjà pas mal. Et puis, Je voudrais finir sur Didier Deschamps. Didier Deschamps quand même, parce qu'on quand même faut pas oublier qu'il y a eu un match dernièrement contre l'Espagne. Il a été courageux parce que Didier Deschamps on lui met quand même des bâtons dans les roues. Déjà à Marseille c'était Anigo, hein, il avait pas les coups des franches, il faisait pas ce qu'il voulait. Et là maintenant c'est Le Graët, parce qu'il faut savoir quand même que Deschamps quand il arrivait, il avait demandé Lisandro, il avait demandé Mata, il avait demandé Jovinko à Le Graët. Et qu'est-ce qu'on lui donne? Capou, Gomis et Gonalon. Ah me dites pas qu'on fait pas tout pour lui mettre des bâtons dans les roues, ce pauvre garçon. Merde. Excusez-moi. Bonne soirée.